بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل في فضل رب البرية بشرح الضرر البهية لعلامة الإمام الشوكاني رحمه الله برحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار العمري حفظه الله تعالى. Donc, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons dans l'explication des belles perles de l'imam Shawkani, rahimahullah, et nous nous basons sur l'explication du cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, car le préserve. Donc, nous sommes dans le chapitre de Salat al-Jama'a, Babu Salat al-Jama'a, la prière en groupe, et nous avons vu le hukum de la prière en groupe de façon générale et le hukum de la prière en groupe à la mosquée. Donc, bismillah, nous allons continuer dans la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, qui dit, il y a kasura al-jam'u kana al-thawabu akthar. Il y a kasura al-jam'u kana al-thawabu akthar. C'est-à-dire, si le nombre est beaucoup, alors le mérite sera plus beaucoup dans la prière en groupe. Car nous avons vu que la jama'a tanaqidu bisnay. La jama'a, c'est à partir de deux personnes. Même si dans la langue arabe, le jamo n'est pas deux. Le jamo, c'est à partir de trois. Mais ici, dans la prière, la jama'a tanaqidu bisnayn se réunit avec deux personnes. Walakin, l'imam Shawkani dit, idha kasura al-jam'u kana thawabu akthar. Au fur et à mesure que le nombre est beaucoup dans la jama'a, alors le mérite est encore plus beaucoup. لقوله صلى الله عليه وسلم أقول دي لقارول دي بروفيس صلى الله عليه وسلم كي دي صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده إلي لا prière d'un homme avec un autre homme est plus bon que sa prière seule, c'est-à-dire a plus de mérite. وصلاته مع الرجلين, sa prière avec deux personnes, azka min salatihi ma'a rajul, c'est-à-dire plus méritoire que sa prière avec un seul homme. Sa prière avec deux hommes est meilleure et plus méritoire que sa prière avec une seule personne. Wa ma kana akthar, et ce qui est plus nombreux, fa huwa ahabbu ila Allah, c'est plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce hadith, akhrajahu Ahmad fil Musnad, c'est rapporté par l'imam Ahmad al-Musnad, Abu Dawud, imam al-Nasa'i, et c'est le hadith de Ubay ibn Ka'b. Wa qad sahahahu, et il a authentifié, c'est-à-dire authentifié le hadith, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini, Imam al-Zuhari, et d'autres parmi les imams de l'islam. Donc ici, قال المؤلف وتدريب دي وتصيح بعد المفعول La prière est correcte derrière quelqu'un qui a moins de mérite. Moins de mérite, c'est-à-dire, celui qui a plus de mérite peut être dirigé dans la prière par celui qui a moins de mérite. C'est-à-dire, aïe tassifu salat al-fadil khalal fal aqal min mufatla. La prière du fadil, de celui, Est-ce que ça concerne les femmes aussi? Non. Les femmes, elles assurent Anna, yani, Al-Jama'a, Taïfat Wadibarin, ce n'est pas obligatoire sur elles. Non, ça c'est elles assurent pour les femmes. Le hadith est général. Au fur et à mesure que le groupe est nombreux, même si c'est pour les femmes, le mérite aussi est nombreux. Voilà qu'il y a l'asthme, quand elle prie chez elle, c'est plus méritoire qu'à la mosquée. Ça va? Si elles sont à la maison, c'est peut-être qu'elles prient ensemble. Non. Lorsqu'elles sont à la maison, elles sont ensemble à la maison, c'est préférable qu'elles prient ensemble. Ça va? Oui. Quand elle m'a dit, je suis comme un autre. وتصيح بعد المفضول c'est-à-dire la prière est correcte derrière quelqu'un qui a moins de mérite puisque celui qui dirige dans la prière فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي أبي بكر عفوا النبي صلى الله عليه وسلم il a prié derrière Abu Bakr ou Abdurrahman bin Auf comme cela vient dans les deux authentiques الصحيحين. أصير الإمام شوقاني دي والأولى أن يكون الإمام من الخيار. مزكير ميور سك الإمام دو أت parmi les meilleures personnes الخيار. هذا هو الأولى. سزكير ميور. مين سي الإمام Celui qui dirige la prière, il a moins de mérite que celui qui dirige dans la prière. Adagai, cela est permis. Mais, al-awla, an yakun al-imam min al-khiyar. Et sadad al-mu'allif wa al-zalika bi qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur du livre a argumenté cela avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, اجعلوا أئمتكم خياركم إذ فدوا الزمام لم يرفعوا فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم وفد سيكي فارفين أو كيف فارفينيا ici dans le sens du hadith c'est que ceux-là ils font parvenir ce qui est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire ça facilite que l'action que vous faites entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala soit acceptée. Al-mana waftakum baynakum wa bayna rabbikum. Ja'a min hadith ibn Umar inda Darqutni. Cela est venu du hadith ibn Umar chez l'imam Darqutni wa ma'nahu hadith al-mursal. C'est le hadith al-mursal qui est chez Hakim. Walakin ces deux hadiths sont vrais. Ces deux hadiths sont d'origine. L'imam Daraqutni dit Isnaduhu ghayru thabit. Il a rapporté le hadith et il dit Isnaduhu ghayru thabit. Limada, il dit Abdullah ibn Musa d'origine. On a qu'un radio fi sanad. Man huwa ta'if. Huwa Abdullah ibn Musa. Donc, dans plusieurs savants ont clarifié le dogme, c'est-à-dire la faiblesse de ce hadith, Parmi eux, il y a l'imam Al-Bani, dans ce surato, Hadith al-Bahir. Amma hukm al-Masala, quant au jugement de la Masala, Fal-Aula, celui qui est plus prompt, en Ya'oum al-Nas, de diriger les gens dans la prière, à Qara'oum al-Kitabillah. C'est celui qui lit mieux le Coran. Aqra'uhum bi kitabillah. Celui qui lit mieux le Coran, ce n'est pas le savant. Mafoum, le savant s'il y a aqra'uhum, il y a un savant, a'lamuhum bi sunnah, aqra'uhum il passe avant. Bi kitabillah. وسيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله. La preuve viendra à ce sujet. Ensuite, l'auteur du livre dit وَيَأُمُّ الرَّجُلُ بِالنِّسَاءِ لَا الْعَقْسِ. L'homme dirige les femmes, mais pas les femmes. Dirige les hommes dans la prière. Ma foi, c'est à soi. L'homme dirige les femmes dans la prière, pas les femmes dirigent les hommes. لَا الْعَقْسِ. C'est-à-dire pas le contraire. Imamatu rajul bin nisa, l'imama d'un homme, dirigeant les femmes, par des lettres et dire, les preuves sont nombreuses. Minha ma fi sahihayn an Anas, de cela il y a ce qui vient dans les deux authentiques de Anas et Malik, qui dit qala, kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis levé derrière le messager d'Allah sur la salam pour la prière. Ana wa yatim, un moi et l'orphelin. Wa ajous et une vieille femme, min wara'ina, derrière nous. Donc, ce hadith montre que, alors, sur la salam, Amma al-Mara, il a dirigé la prière devant une femme. Non. Du fait que le hadith que le chef est basé dessus, il y a deux fois. Mais la masala que Aoula, il y a pour la imam ou Mikhaïou, c'est pas. Khiyarou, non, pas la façon. Khiyarou, c'est-à-dire le meilleur d'entre eux. Donc ce hadith n'est pas sahih, donc ce jugement n'a pas lieu d'être. Là, le hukum maintenant dans la masala, c'est quoi? C'est Aqra'oum bi kitabillah. Celui qui lit le mieux le Coran. Même si ce n'est pas un savant. S'il lit mieux le Coran, c'est celui-là qui est le meilleur. Il kana yuhsinu hatta yusalli. S'il maîtrise les jugements de la prière. Ma foi? Non. Dans les cas où il y a deux personnes, il y a un Coran. Non. C'est quelqu'un qui est passé. Il a la maîtrise du Coran, mais il est pas assez. Par contre, il y a un autre qui a mémorisé peu, mais qui est cramponné sur la sunna. Non, il a qu'un saliman, s'il est salim, l'isa du fasiq, il est hadi, je veux dire. Il n'est pas fasiq. Alors là-bas, c'est lui. Voilà qu'il n'est pas fasiq, là tout proche d'un être, donc on ne peut pas accepter son nom. On parle de ceux qui sont arrêtés. Ça va? Akara ou bon l'équitable. C'est donc si quelqu'un fait la dina, quelqu'un fait le grand péché. La yukin, un yaoum al-nas. Dana aslan, on n'appelle pas sa shahad, il ne peut pas être wali. Il y a beaucoup de jugements qui tombent sur lui. Hatta l'Iran. Ça va? Voyez. Donc, ici, la preuve que nous avons vue dans le hadith qui vient dans les deux authentiques de Anas ben Malik, radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a fait prier Anas et un orphelin avec une vieille femme derrière eux. Ensuite, wa kanat an-nisa yusallina khalf ar-rijal fi masjid rasulillah. Les femmes prièrent derrière les hommes, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela vient dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim. وَأَمَّا إِمَامَةُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ quant à l'imamat d'une femme, une femme qui dirige les hommes, فَلَا تَجُوزُ فِي الْفَرَائِضِ بِالِاتِّفَاقِ n'est pas autorisé dans les prières obligatoires par le consensus. Dans les prières obligatoires. Pourquoi ils disent seulement que dans les prières obligatoires par le consensus? Ça va? Dans les prières obligatoires par le consensus, parce que pour les prières surrogatoires, d'autres ont argumenté pour dire que c'est permis. Parmi les savants. Ça va? D'autres ont argumenté pour dire que c'est permis. Et c'est ce qu'on va voir ici. Il dit, wa'amma fil nawafil. Quant aux prières surrogatoires, la imama d'une femme, فَصَّحِيْهُ أَنَّهَا لَا تَقُومُهُمْ أَيْضًا. Ce qui est sahih. Pourquoi le chef dit sahih? Parce qu'il est là. Ce qui est sahih est que la femme ne dirige pas aussi, même la prière surrogatoire. فَلَمْ يَرِفِ السُّنَّةِ. Ce n'est pas venu dans la sunnah. مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَادِ إِمَامَتِهَا بِالرِّجَالِ. Ce n'est pas venu dans la sunna, ce qui montre la permission qu'une femme soit imam. Des femmes, même dans la prière sur le gâteau. Wa qad jaa fi shari'a bi tafriq bayna ar-rijali wan-nisa. La sharia est venue mettre la différence entre les hommes et les femmes fi taqdim wa ta'khir, dans le fait de divorcer et de retarder. Les femmes sont où dans la mosquée? Derrière. Les hommes sont où? Devant. Donc, فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُنَّ. Et on ne peut dévancer les femmes, il a pédalé. Ça va? Sauf si on a une preuve sahih, authentique, خَاسٌ بِهِنَّ, qui est spécifique aux femmes. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَ صَلَى السَّيِّدَةُ قَالَ. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yuflihu qawmun wallaw amrahum imra'. » Un peuple ne réussira pas, quel peuple? Le peuple qui a confié son autorité à une femme. Hadha hadith sahih. Akhrajahu al-Bukhari. Le hadith de Abi Bakr radiallahu ta'ala. Ici, c'est un hadith qui est azim. Mais le cheikh va faire l'idlal avec ce hadith ici. Et là, ce hadith prend beaucoup de jugement. Beaucoup de jugement. Le messager d'Allah sur la zone dit, c'est-à-dire là, il nous fait un peuple ne réussira pas tant qu'ils vont donner l'autorité, leur autorité, à une femme. Voyez. Voilà qui, dans le contexte ici, وَالصَّلَاةُ مِنْ أَمْرِنَا. La fête, la prière fait partie de nos affaires. N'est-ce pas? وَمَنْ اِتَّمَّ بِالْمَرْأَةِ. Celui qui place une femme devant lui, فَقَدْ وَلَّاهَا أَمْرَ صَلَاةِ. Il lui a confié l'affaire de sa prière. N'est-ce pas? Il a confié l'affaire de sa prière. Donc, ce n'est pas permis qu'une femme soit imam. La bin nawafil, la bin faraïd. Ni par les prières, dans les prières obligatoires, ni dans les prières surrogatoires. Ça va? Mais on va porter la dalil de ceux qui disent que dans prière surrogatoire, la femme peut être imam. وأما الذين قالوا بجواز إمامة النساء بالرجال في النوافل قد أسئلوا ذلك استفهمي كن فمسا إمام dans les prières surrogatoires soit imam des hommes dans les prières surrogatoires فقد استدلوا بحديث أم ورقة. Ils se sont basés sur le hadith de Umm ورقة qui dit أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها. Que le Rasoul صلى الله عليه وسلم l'a conseillé et il a ordonné de diriger la prière des gens de sa maison. Wa fihim rijal, alors qu'il y a des hommes dans sa maison. طيب، ولكن الحديث حديث ضعيف، الحديث ضعيف. سيرابطي فالإمام أحمد أبو داود دبر أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصاري. الحديث المعلق اضطراب في الحديث اضطراب المضطرب الحديث كيا plusieurs يعني c'est venu de différentes manières mais dans différentes chaînes de transmission مضطرب interrompu avec beaucoup de جهالة de جهالة مفهوم. Donc طيب dans ce hadith de Daif وللمرأة أن تعوم النساء mais la femme peut diriger la prière des femmes وتقف وسطين et s'assoit au milieu et la femme s'arrête au milieu كما فعلت عائشة رضي الله عنها comme عائشة l'a fait. طيب il y a un hadith authentique qui est venu du messager d'Allah sallam pour montrer que la femme s'arrête au milieu pour diriger la prière. Il n'y a pas de hadith qui est venu du prophète sallam directement. Mais cela a été vu dans l'action de Aïcha. Ça va? Aïcha l'a fait avec d'autres femmes à l'époque du prophète sallam. Donc cela montre l'autorisation de le faire ainsi. Ma foi? قال المؤلف رحمه الله لكان يريد إذي والمفترض بالمتنفل والأصل c'est-à-dire celui qui prie une prière obligatoire المفترض ça vient du verbe افترض يفترض مفترض مفهوم بالمتنفل. Celui qui prie une prière obligatoire dirige celui qui est dans une prière surrogatoire. Et celui qui est dans une prière surrogatoire dirige celui qui est dans une prière obligatoire. Ma foi. Malgré le sens de cela est que les gens sont en train de prier une prière obligatoire. Tu viens rentrer dans la niya de Nafia. En ce moment, l'imam, il prie quelle prière? Obligatoire. Mais toi, tu es dans quelle prière? Sur la toi. Alors, on prend le contraire aussi. Le contraire, c'est dans une prière sur la toi et quelqu'un vient rentrer avec toi. Ça va? C'est-à-dire, toi, tu es en train de faire une prière sur la toi et lui, il est en train de faire une prière obligatoire. Allez, tous. Cela est permis. فأما الصلاة المفترض بالمتنفل هذا la prière de celui qui fait l'obligation le fait qu'il dirige celui qui est en prière sur la toi أي يصلي الإمام فريضة c'est le fait que l'imam prie une prière obligatoire أو يصلي المأموم خلفه نافلة et le مأموم il prie derrière lui en quoi en prière sur la toi فدليل حديث الرجلين. La preuve de cela, c'est le hadith des deux hommes, Rajulayn. Al-Ladina ra'ahum al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a vu, qui a l'Isayni fil masjid. Ils étaient assis dans la mosquée, l'am yusalliya ma'a jama'a. Ils n'ont pas prié avec la jama'a. Faqala lahuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a dit, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Qala, les deux disent, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Inna kunna sallayna, nous avons déjà prié, fi rihalina, c'est-à-dire dans nos voyages. Là-bas, dans nos voyages. Qala, la tafala, il dit ne le faites pas. Iza sallaytuma fi rihalikuma, si vous avez prié dans vos voyages, ثم أتيتم مسجد جماعة et vous êtes venu dans la masjid une mosquée où on prie en groupe. Ce hadith Ici, par Rihal, pas de l'ulama et Roulou qui disent que le Rihal était la monture. D'autres disent que c'est le voyage. À la Kouliahal, qui l'a remassé. Fassal laïa ma'am, ils ont prié avec eux. Wa inna lakum nafila. Fassal laïa, priez ma'am avec eux, et cela sera pour vous une nafila. C'est-à-dire, si vous avez fait la prière derrière eux. Même si vous avez déjà prié la prière surrogatoire, la prière obligatoire, considérez cela, ce que vous allez prier derrière, et comme une prière surrogatoire. Donc la preuve ici, est sahih. Le hadith vient d'Ahmad wa Abu Dawud al-Tirmidhi, et c'est le hadith de Yazid ibn al-Aswad. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما رأى رجلا يصلي وحده lorsqu'il a vu un homme prier seul. ألا رجل يتصدق على هذا. Il a dit, il n'y a pas un homme qui va faire la sadaqa pour son frère. C'est-à-dire, il va se lever, il va prier avec lui. Mais cela veut dire que la prière était, la prière obligatoire était finie. N'est-ce pas? Donc, du fait que la prière obligatoire était finie, donc, celui-là est venu en retard, donc, à la source de a demandé s'il y a une personne qui va faire la salata pour son frère, c'est-à-dire prier avec lui. Ça va? Bon, celui qui s'élève, sa prière sera une prière surrogatoire, et pour son frère sera une prière obligatoire. Alors cela nous ramène à une masala que nous avons voulu traiter dans notre cours Biznilla, qui est, est-ce que la prière en groupe après Salat al-Ratib, la prière en groupe qui est connue dans la mosquée, Jaïs, est-ce que c'est autorisé? Alors, il y a eu beaucoup de discussions autour de la table. D'autres disent que ce n'est pas autorisé. D'autres disent que c'est autorisé. C'est-à-dire, la jama'atan fil masjid wahid. Il n'y a pas deux jama'at dans une seule mosquée. Ça va? Donc, certains ont interdit de façon complète. Alors que sinon, on regarde ce hadith ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis ou pas? Le hadith est clair? Non. N'est-ce pas? Non. L'homme est venu à quel moment? Il est venu trouver la prière obligatoire et il a dit qui veut faire la salata à son frère. Pour que son frère soit dans la jama'a. Puisque la jama'a commence par combien de personnes? Deux personnes. On va lire la parole du Cheikh Mohamed Nassar al-Uthaymeen sur la Masala dans un char monté à la gare de Moussabna. Le Cheikh dit, Cheikh Uthaymeen, Rahimahullah, Iqamatu al-Jama'atu al-Thaniya fi al-Masjid, c'est-à-dire faire deuxième groupe après le premier groupe. Deuxième prière en groupe. Ça va? Il va donner des soins, des figures de cela. On a un exemple pour le dit. Il est en masou la tepoula, quant à la première figure. Il y a un masjid jama'atan daima. Qu'il y ait dans la mosquée deux groupes à tout moment. Ça va? La jama'atan daima, la jama'atan daima. Le premier groupe et le deuxième groupe. Voilà la chatte à Naumako. Il n'y a pas de doute que cela est détestable. Il l'a Naumou, il Naumouhara. Si on ne dit pas non que c'est Mouhara. Ça va, qu'il s'est interdit. Et à Naumouhara, ça c'est une innovation. L'a Naumou Maroufa fi Ahli Nabi Sura Salam Ashab. C'était pas connu à l'époque du prophète Sura Salam et ses compagnons. Ça va? c'est-à-dire faire deux groupes dans une seule mosquée. Par exemple, telle heure, c'est le premier groupe. Telle heure, c'est le deuxième groupe. Hasard, Bila, c'est une énergie. Ça va? C'est fixé pour tous les deux groupes. Pour tous les deux groupes. فمن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام إلى سلا سكت أولين المسجد الحرام avant que حكومة السعودية ne prenne le dessus et interdise cela. Avant les Saouds n'interdisent cela. Il y avait quatre jama'a. Quatre. Il y avait la jama'a des Hanabila. La jama'a des Shafi'iyya, la jama'a des Hanafiyya, des Ahnaf, et puis la jama'a des Malikiyya. Il y avait quatre mihrab dans une seule mosquée. Ça va? Donc, le Hanbali, il prie avec les Hanabila. Le Shafi'iyya, son libi, Shafi'iyya. Le Maliki, il s'en lit bien, Malikiya. Le Hanafi, il s'en lit bien, Al-Ahnaf. Donc, ils avaient aussi le maqam, comme j'ai dit, là où l'imam s'arrête pour prier. Voici le maqam de Shafi'iyya, le maqam de Hanabila, le maqam de Hanbali, de Hanab, de Ahnaf. Et le maqam de Shafi'iyya, c'est-à-dire des quatre madames. Ça va? Donc, le Malik Abdelaziz, Jazakallah khayran, lorsqu'il est entré à Mecca, il a vu cette Afrique. Donc, il a interdit cela, et il a dressé tout le monde dans Masjid al-Haram, derrière un seul. Imam, il a eu une âme jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui viennent après lui, ils sont Khadim al-Haramay, al-Sharifay. C'est-à-dire, c'est eux qui dressent les imams. Qui c'est eux qui s'occupent de cela, ils préservent cela. Qu'Allah les préserve. Et qu'Allah les guide ainsi que nous sur la voie. Attends cela seulement. Nous devons faire droit pour cela. Nous devons faire des droits pour eux. Ils font tout pour préserver cette humanité. Mais tu vois, c'est des musulmans qui les insultent. Ils disent que c'est eux qui font un peu de haram dans le nom de la terre. C'est eux qui font ceci, cela, c'est tout. Mohamed bin Salman, car il préserve. Ils disent cela sur lui. Ils le critiquent. Là où la haram, on ne dira pas leur présence, mais on dira Allah les a utilisés pour préserver ces deux saints. Allah les préserve. Donc, ici, Cheikh Othémine, il dit Hadha la yajuzu. Cela n'est pas permis. Ça va? Pourquoi? Car cela appelle au kasal, la paresse. Si les gens sortent à deux groupes dans la mosquée, ils vont retarder. Ça va? D'autres vont retarder, ils vont laisser. Parce que les gens ont dit, madame, ma fille, jama'at, salia, non, tadibu, hatta, ta'atri, jama'at, sal. Tant qu'il y a un deuxième groupe, nous allons attendre. Jusqu'à ce qu'il y ait le deuxième groupe. Et ça va, les gens vont retarder et venir derrière. Ils vont pas prier avec l'imam Murad, l'imam principal, l'imam même de la mosquée. Parce qu'une mosquée, il y a un seul diama. Mais tu verras dans d'autres mosquées, ils ont tous deux diamants à cause des gens. Souvent, cela arrive. Tu vas les trouver, ils sont dans un endroit. Et vous, vraiment, il y a certaines personnes qui disent qu'on n'est pas d'accord, nous on ne veut pas. Hein? Généralement, c'est les mosquées qu'ils appellent les mosquées des Wahhabiyah, les gens de la Sunna, qui prient à 13h par exemple, un jour. Donc, s'ils se trouvent comme ça, et qu'ils veulent vraiment se mettre ensemble avec les sunnites d'aujourd'hui qui s'affairent avec les innovateurs qui font tout avec eux, donc, ils sont dans une communauté, et les innovateurs vont les dire, non, vous voyez, nous, on ne peut pas prier à 13h. Donc, si vous voulez, dans la même mosquée, vous faites votre prière, nous, on vient faire notre prière. Et il y a d'autres qui acceptent. Ça va? Voilà le coup. Il l'aime pour le Muharram. C'est interdit. Ça va? Ensuite, il a mentionné la deuxième sourate. Ça, c'est la première sourate. Ça, c'est interdit. Ça va? La deuxième sourate, deuxième figure, là, il y a qu'on a arrivé, que ce soit quelque chose qui est survenu comme ça. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on a établi. Alors, on a arrêté. Et il va expliquer. Il dit, l'imam Rafi, l'imam principal, c'est lui qui prie avec la jama'a dans la mosquée. Ça va? Lakin ahyanan, mais souvent, yadakhallafu rajulani ou thalata ou akhdar fil uzr. Une ou deux personnes ou trois personnes souvent restent en retard à cause d'une excuse. Vous comprenez? À cause d'une excuse. Fahala wa mahadul khilaf. C'est sur cela qu'il y a divergence. Ça va? Faminan ulama, parmi les savants, ils disent que la tu'adi jama'a. On ne reprend pas la jama'a. C'est-à-dire, dans la deuxième surah que nous donnons ici, c'est quoi? C'est ceux qui viennent faire jama'a. Et là, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ce n'est pas une jama'a qui est déjà préétablie. À terme du deuxième groupe, là on a déjà parlé de cette figure, on a dit que c'est haram. Mais la deuxième figure, c'est que il y a un seul imam rapide dans la mosquée. La prière, c'est à terre, c'est à terre. Mais il arrive souvent que il y a des gens qui viennent en retard, à cause d'une excuse, bien sûr. Ça va? Peut-être qu'ils étaient en train de dormir, ou bien ils sont quittés loin, ils sont arrivés en retard. Et que maintenant ils arrivent, est-ce qu'ils doivent se mettre en groupe pour prier, ou bien ils doivent prier froid, c'est-à-dire sur cette masala qui est là. Ça va? Donc, certains savants disent qu'ils prient seuls, ils ne font pas les jamaa. Ça va? Et il y a d'autres maintenant qui disent, on fait la jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils sont nombreux, ils sont venus trouver. Donc ils doivent faire la jama'a. Et le chef de l'Église dit, wahada al-qawl wa sahih. C'est cette parole-là qui est en train. Pourquoi? C'est le mazhab de Hanabila. Et le dali, c'est quoi? Parole. حديث أبي بن كعب لحديث أبي بن كعب إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله الحديث كان للرجل لكن يدلهم على كأنهم الميرات كثيرة La prière d'un homme avec deux hommes est mieux que la prière avec un seul homme. Et ce qui est, au fil à mesure que c'est nombreux, le groupe est nombreux, c'est plus aimé pour prier là-bas. Prions. Ce hadith est rapporté par le Daoud et le Nasraï. Et le chef s'est mis dit, Wahad al-Nasr Sahih. Voici un texte clair. Y'al-Nasrulat al-Rajul Mar-Rajul Abdul Misrulati Wahad. Que la prière d'un homme avec un autre homme est meilleure et plus méritoire que sa prière seule. Voilà, Kouna, maintenant si on dit là, tu parles au Jama'a, le seul exemple que le Jama'a, la lazima al-Najal al-Mafdoul ou Fabila. Il sera exigé qu'on rende ce qui est moins méritoire, plus méritoire. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a moins de méritoire qu'on ne fait pas de prière. Donc si on dit qu'on ne fait pas les diamants, à ce qu'on a rendu, c'est qu'il y a moins de méritoire, plus méritoire. C'est-à-dire ceux qui disent tout le monde, chacun doit prier seul. Est-ce que c'est qu'il y a le plus, plus méritoire? Hein? Voyez. Donc, et le chef dit, voilà la prière pour Nas. Il dit, cela contredit.